La pintade. C'est la bossue de ma cour. Elle ne rêve que plaie à cause de sa bosse. Les poules ne lui disent rien. Brusquement, elle se précipite et les harcèle. Puis elle baisse sa tête, penche le corps et, de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frapper de son bec dur juste au centre de la roue d'une dinde. Cette poseuse l'agaçait. Ainsi, la tête bleuie, ses barbillons à vif, cocardière, elle rage du matin au soir. Elle se bat sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne chauve et de sa queue basse. Et elle ne cesse de jeter un cri discordant qui perce l'air comme une poêle. Parfois, elle quitte la cour et disparaît. Elle laisse aux volailles pacifiques un moment de répit. Mais elle revient, plus turbulente et plus criarde. Et, frénétique, elle se vautre par terre. Qu'a-t-elle donc ? La sournoise fait une farce. Elle est allée pondre son œuf à la campagne. Je peux le chercher si ça m'amuse. Elle se roule dans la poussière comme une bossue.